Local chez nous en Île-de-France, c'est avec vous Maxime Glorieux et journée spéciale sur votre radio locale ici par Île-de-France. On s'intéresse au trafic de drogue qui gagne du terrain. 8 communes sur 10 sont concernées et contrairement aux idées reçues, le trafic de drogue prend plus d'ampleur dans les Hauts-de-Seine par exemple qu'en Seine-Saint-Denis. Le nombre de mises en cause a augmenté de 23% depuis 2018. C'est 6 points de plus qu'en Seine-Saint-Denis. Vous retrouvez la situation d'ailleurs dans votre département sur notre carte interactive ici.fr, car oui, les points de deal s'installent aujourd'hui jusque dans les beaux quartiers, comme à Issy-les-Moulineaux, ville plutôt aisée, touchée à son tour par le trafic de drogue, Émilie Defay. À deux pas de la Seine, un pas d'un centre commercial face à un parc et ses toboggans, le quartier de la ferme est le paradis des familles. En tout cas, en journée, car dès 17h-18h, il est investi, décrit Florence, une habitante. Ils doivent être entre 6 et 15, parfois ils sont même 30. Et ils tiennent le parc pour signaler au kidam qui veut sa dose que le marché est ouvert. Sur une des petites barrières qui ouvre le parc, il y a marqué le comptoir. Peu de doute donc sur le genre de produits vendus à ce comptoir. Des échanges de main à main, des petits sachets qu'on retrouve un peu partout dans le quartier. C'est un système parfaitement rodé qui quadrille le quartier. Et qui fait un bruit qui pourrit la vie. Moi j'en viens à avoir la trouille qu'il fasse beau. Parce que dès qu'il fait beau, je sais qu'ils sont dehors, qu'il va y avoir du bruit et que je ne vais pas pouvoir ouvrir mes fenêtres. Et ça, jusqu'à 1h, 2h du matin, 3h du matin en semaine. Sans compter le sentiment d'insécurité, nous montre depuis la rue Jade une autre maman de la même résidence. Parfois, quand on ramène nos enfants de l'école, on ne peut même pas passer. Il y a quand même des sièges de bureau qui sont installés sur le trottoir, où on est obligé de faire un détour pour passer avec nos poussettes. Une fois rentré, ensuite, attention aux enfants. D'autres nuisances qu'on a aussi, c'est les déchets. Notre jardin est utilisé un peu comme une poubelle, c'est-à-dire qu'ils vident leurs portières, des bouteilles, donc c'est dangereux pour nos enfants. Résultat, cette copropriété va se barricader derrière une clôture. Vous l'entendez, le trafic de drogue s'organise en Île-de-France jusqu'en dans les villes plutôt tranquilles des Hauts-de-Seine. Et ensuite, cette question, où va l'argent? En Seine-Saint-Denis, par exemple, ce sont des rues entières qui sont dédiées au blanchiment d'argent, selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Ces commerces de façade, Pierre-Yves Bournazel les a vus fleurir dans le quartier populaire de Marx-Dormois, lui qui est conseiller municipal dans le 18e arrondissement. Tous ces trafiquants, tous ces mafieux ont de l'argent à recycler, entre guillemets. Et donc, ils rachètent des beaux commerciaux pour pouvoir essayer de rentabiliser l'argent qu'ils ont gagné de manière illégale. Ils investissent dans des quartiers, progressivement, en rachetant ces beaux commerciaux. Il s'agit de l'argent qui provient de trafic de drogue, proxénétisme, exploitation d'êtres humains. Et puis, surtout, ça pose des problèmes dans les quartiers, puisque en fait, ça retire des commerces de qualité, de proximité, commerces de bouche ou à vocation culturelle pour les habitants. Et ça, c'est un vrai fléau. Témoignage d'habitants du 18e à suivre dans l'info d'ici, ce sera à 8h30. Et puis parole d'une ancienne consommatrice de drogue au micro de Corentin Fels à partir de 9h. Et d'ici là, notre invité, dans moins d'un quart d'heure, sera le maire de Noisy-le-Sec, Olivier Sarabérouse, alors qu'une opération de police a eu lieu justement hier soir dans sa ville. Et d'ici là, on attend vos témoignages. Êtes-vous confronté au trafic de drogue dans votre quotidien avec peut-être un point de deal en bas de chez vous? Faut-il sanctionner plus fortement les consommateurs de drogue? N'hésitez pas à nous appeler et à réagir dès maintenant au 01 42 30 10 10. Les contrôleurs pourront bientôt porter des caméras piétons dans les transports franciliens. C'est l'une des mesures de la loi sur la sécurité dans les transports, finalement adoptée hier au Parlement. Caméras en test aussi pour les chauffeurs de bus et puis les agents de la sécurité de la RATP et de la SNCF pourront procéder à des palpations sans avoir besoin de l'accord du préfet. Le texte prolonge également jusqu'en 2027 l'utilisation de la vidéosurveillance par algorithme, comme pendant les JO, mais seulement lors de grands événements. Cette question, où sont partis les jeunes exilés de la Gaîté Lyrique? Ils étaient plus de 400 à occuper le lieu culturel en plein cœur de Paris depuis 3 mois. Hier, lors de l'évacuation, seulement 6 d'entre eux ont accepté leur prise en charge par l'État. D'autres expliquent attendre la décision pour des recours déposés il y a plusieurs mois. Au total, 46 personnes ont été interpellées. Un dispositif de sécurité restera en place pour plusieurs jours. Notre fierté parisienne, Désiré Doué, s'apprête à jouer en bleu pour la première fois. Le joueur du PSG est en route avec l'équipe de France pour la Croatie. Demain, il jouera le quart de finale aller de Ligue des Nations. Julien Froment, vous avez suivi les premiers pas de Désiré Doué à Clairefontaine et on peut dire qu'il fait déjà sensation. Au château de Clairefontaine, Désiré Doué n'a pas rendez-vous en terre inconnue. Je suis déjà venu une fois pour les JO. Il y a 8 mois, le joueur de 19 ans grimpait les marches, le maillot de l'équipe de France Olympique sur le dos pour préparer la finale du tournoi face à l'Espagne. Cette fois-ci, c'est avec celui des Bleus. J'essaye de toujours relativiser. Voilà, aujourd'hui, je vous confie quelque chose. Je suis en train de vivre mon rêve. Désiré, bonjour. Accueilli sur le perron par le sélectionneur Didier Deschamps en compagnie de son coéquipier en club Warren Zaïre-Emery, Doué se fait gentiment chambrer. T'es arrivé avec Warren, c'est pour ça que... Que Désiré Doué se rassure, Deschamps ne l'a pas appelé pour faire de la figuration. Si je prends Désiré, c'est pas pour lui dire bonjour, il va être heureux. J'ose espérer qu'il a envie de jouer et d'avoir le plus de temps de jeu. Issu d'une fratrie de footballeurs, son frère évolue à Strasbourg et représente la Côte d'Ivoire, le pays de son papa. Désiré Doué était destiné à réussir, comme son nom l'indique, même si cela ne fait pas tout. J'ai un beau nom de famille et j'essaye de l'honorer chaque jour. Je suis doué dans ma capacité à travailler tous les jours et c'est le plus important. On a beau être doué, comme vous dites, ou avoir beaucoup de talent, le plus important, c'est la discipline, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qui m'emmènera au plus haut niveau. Après s'être imposé à Paris, à lui désormais de se faire une place parmi les 23 bleus pour concrétiser son rêve. Et rendez-vous demain soir pour ce Croatie-France, quart de finale aller de Ligue des Nations. C'est une ambiance qui nous avait manqué, porte de la chapelle à l'Adidas Arena, vous l'entendez. Les joueurs du Paris Basketball sont allés fêter avec leurs supporters cette victoire contre Milan, 92-79. Victoire après une série de défaites et qui permet surtout de se relancer dans la qualification en Euroleague. Et puis il chantait « Quand te reverrai-je ?» Eh bien, on pensait ne pas le revoir. Et on était bien triste d'ailleurs. Revoilà Michel Blanc à l'écran. L'acteur francilien né à Courbevoie nous a quittés il y a déjà plusieurs mois. C'était en octobre. Son dernier film, « La Cache », sort aujourd'hui au cinéma. C'est très bien d'avoir de l'imagination. Ça permet d'en donner un peu à la vie qui parfois en manque un peu. Le dernier film avec Michel Blanc, La Cache, c'est son nom. Alors, il n'est pas réalisé par La Cache et Toedano, hein, mais par Lionel Bayer, comédie sur une famille d'origine juive qui vit retranchée dans un appartement rue de Grenelle en mai 68. Et c'est au cinéma, ça tombe bien. La place est à 5 euros en ce moment, tiens, pour le printemps.